un serment qui ne compte plus. Enfin, il poussa une porte et deux cris joyeux retentirent. J'étais en face de papa et de Cristobal qui me prirent des bras de Oscar et me couvrirent de baisers. L'Indien dit « Je vous avais promis de vous rendre votre fille et votre fils, Seigneur. Les voici. Vous ne courez plus maintenant aucun danger. Un Inca ne manque jamais à sa parole. » Sur quoi il salua et nous ne l'avons plus revu. J'ai voulu te dire tout cela, Raymond, pour que si, par hasard, tu rencontrais jamais cet homme, tu saches ce que nous lui devons. À ces derniers mots, le jeune homme tressaillit et serra nerveusement la main de Marie-Thérèse. « Oh, Marie-Thérèse, » fit-il la voix tremblante, « je sais ce que je lui dois. Il t'a sauvée, il m'a sauvée, et moi je lui ai juré que s'il te sauvait, tu ne serais jamais ma femme. » « mon Raymond, je sais cela, il a dit cela à papa. N'est-ce pas papa qui t'a dit cela ?»« Oh, papa te le dirait, pourquoi trembles-tu? C'est un enfantillage. » « Tu n'as peut-être été sauvé qu'à cause de ce serment-là, » fit Raymond lugubre. « Malgré ce serment-là, voulez-vous dire, » interrompit le marquis. Huascar l'a considéré comme une insulte. Lorsque, dans l'île où j'avais été emmené prisonnier, à la suite du cortège qui emportait Marie-Thérèse, je me trouvais seul, un soir, face à face avec l'homme que j'accusais de nous avoir trahis et d'être la cause de tous nos malheurs, je voulus lui cracher toute ma haine et mon mépris. Mais il ne m'en laissa pas le temps. Il arrêta mes premières invectives pour me faire conduire et garder dans une grotte près du rivage, où il me rejoignit bientôt et où je m'attendais à être sa victime. Là, il m'apprit froidement qu'il n'avait jamais cessé de travailler à nous sauver de nous-mêmes et de nos imprudences, et que tout était préparé pour notre fuite, que bientôt il m'amènerait mes enfants, et que je n'aurais la nuit suivante qu'à me jeter avec eux dans la pirogue, et qu'à m'en remettre de notre salut aux deux Indiens qu'il m'avait donnés pour garde, et qui lui était dévoué jusqu'à la mort. Son ton était si solennel que je ne mis point sa parole en doute. Rien ne le forçait plus à me mentir, puisque nous étions ses prisonniers. Je lui tendis la main, mais il ne la prit pas. C'est alors qu'il me parla du singulier serment que vous lui aviez fait un soir à Arequipa. « Je ne connais point ce jeune homme, me dit-il. J'ignore pourquoi il m'a proposé un pareil marché. La signorita sera libre comme son cœur, et je ne suis point le marchand de son cœur. Il ne m'appartient ni de le prendre, ni de le donner, ni de le retenir. Il faut que ce jeune homme sache cela, à qui je n'ai jamais fait de mal et qui m'a insulté. Je lui pardonne. » Il s'apprêtait à partir, je voulus encore le remercier, dans la certitude où sa parole m'avait mise qu'il tenterait tout pour notre salut. « Remerciez celle qui est au ciel et qui fut la signora de la tort, Seigneur, et ne remerciez point Oscar, qui ne vous demande qu'une chose, en échange du service qu'il a pu vous rendre, c'est de n'en parler jamais. Il ne faut point que la mémoire du grand prêtre de l'Inca soit déshonorée. » Ainsi a parlé Oscar. Vous pouvez épouser Marie-Thérèse, Raymond. Sur ces entrefaites survint l'oncle Ozou et Natividad. Ils avaient appris en route que le marquis était de retour à Lima, qu'on l'avait vu ce jour-là à Callao, et qu'il y avait ramené, il ne savait par quel miracle, Marie-Thérèse et le petit Cristobal, et ils accouraient comme des fous.